conscience religieuse. Ils adorent le sens, truc au sens très cronche, plus qu'une crise d'adolescence. Certains tuent pour l'argent et leur quartier en signe de reconnaissance. Dans tous les sens, les balles fusent quand pour survivre, les miens mal donnent naissance. L'absence de connaissance les pousse vers la quête de mon essence. Est-ce des conflits explosent, voir rien brûle comme le feu et l'essence. L'amnésie programme nous scotche au maître comme des convalescences. Douter qu'on est plus en manque que des tapes sans début de convalescence. Le diable t'attire dans le mauvais sens. Regarde ta mère, fait du mauvais sens, c'est mauvais signe. Vas-y, quelle odeur, ça sent mauvais sang. La menthe est sans cesse, prétexte en faire avaler mes mauvais sens. Je défends mes textes sans être texan. Descends le censeur avec sang. Mec, entraîné pour m'excentrer, la censure me laisse entrer. Dans le cercle des poètes disparus, mes textes centrés mettent l'accent sur sans vrai révolté. Combien tombe, bien plus disparu. Vise la porte du savoir s'ouvrit si on nous noie dans l'obscurantisme. Pour le diable, on s'entretue, même quand on crie au secours, on tisse. Par ignorance, la toile dans laquelle on finira par acheter. À force de bader nos âmes, le diable finira par acheter. On attend quoi de l'agent double encore un 7-5 qui que tu sois quand je balance mon rap ça prêt après qui est foutre le feu. Hey jeune écoute le vieux. Comme dit le pasteur frère font des caprices et se foutent de Dieu c'est simple. On déserte les lycées, les bibliothèques. À croire qu'on distribue en lot des mauvais cris cris aux mecs. Même les camines tentent des dièses avec leurs appâts. Jeune fille tu m'attraperas pas. J'ai bientôt lâche ton papa. Tellement ça va mal je voudrais être un guérisseur. Quand je vois ces séries de sœurs qui se vendent aux enchérisseurs. Mon devoir est dénicheur. D'oiseaux de moins en moins rares. Face à une génération de jeunes précoces de moins en moins tard. J'encadre souvent ces jeunes dans des tafs parallèles. Ce que j'ai pu voir, y'en a toujours qui t'appellent quelque part à l'aide. Donc c'est normal que je m'improvise grand frère. Je leur sers de béquille quand leurs propres parents se demandent quoi en faire. L'estomac et des hémorragies. Regarde, les jeunes se suivent comme les Dalton. Stupides comme Carlton, cupides, observe-les. On était peut-être comme ça avant. Quand on était nombreux, j'avoue qu'on était mauvais, mais moins esservelés. Maintenant, les jeunes se braquent au lycée. On oublie le bac au lycée, vu qu'on tise des boissons alcoolisées. Y'a de quoi culpabiliser. Les parents même les plus mobilisés. Avoue qu'y'a de quoi déstabiliser. C'est dans les camps que les jeunes s'associent. Parce que l'État propose de rien et c'est pour ça que les jeunes s'associent. C'est ce qui fait que les gens ont peur. Des jeunes blagues, des jeunes meurent. Des jeunes se braquent, des jeunes meurent. À la violence ils s'habituent et vivent avec elle comme une compagne dans leur habitat. Ouais, il faut que tout ça change. Il faut que tout s'arrange. Les jeunes. Putain, les jeunes, les gars, vous déconnez, merde. Les jeunes. Y'en a marre, tout ça change contre nous. Les jeunes. Y'a trop de violence ici. Les jeunes. Voyez pas qu'il faut qu'on fasse de la maille. Les jeunes. Faut qu'on reste tous soudés. Les jeunes. Ouais, je veux plus en voir en prison. Vas-y, arrête, check, t'es relou là. Tu vas pas recommencer avec tes trucs là. Le gars lui devait de la maille. T'as vu comment il est marave là. Cet enculé, il pleurait comme une meuf, il gueulait. T'inquiète, on me paye toujours moi.